Chapitre 21. Jérôme s'émancipe. Le peuple, d'un flot, s'était répandu dans la cour, jouant à échanger des coups et des ruades. Durante, effrayé, se faufilait le long des murs à la suite de Boispeau qui lui traçait un sentier, un peu de place, ainsi qu'à Rosette. Fabarotte, égaré parmi tous ces hommes en joie qui faisaient la bataille, s'efforça de s'évader. Seulement, repoussé de ci, de là, il enfonçait sa casquette, s'abritait le visage de ses coudes. Soulérol et Campal se mêlèrent bravement aux coups et aux ruades. Santou, à l'écart, appelait ses maîtres à grands cris. « Mon Jacounel, je ne le trouve plus! Où me l'a-t-on amené ?» Santou se désolait, suppliait cette cohue de rustres ivres de bruit, lâchés comme dans une émeute. Dans leur brouhaha, ceux-ci n'entendaient ni les lamentations de Santou, ni les prières de Jérôme. Et les coups continuaient de pleuvoir, les chapeaux de voler, les bras et jambes de ruer. Tous les guitous, en famille, cherchèrent Jacounel. En vain, Pécaïre, où diable s'était-il fourré ? Ah, gémit Santou, quelqu'un nous l'a volé ! Je voudrais bien voir, riposta Jérôme. Jérôme, pour soulager sa colère, courut après Santou, le poursuivit d'injures et de menaces. « Nigaud, en plâtre, tu ne sais donc rien faire? Comment l'avais-tu attaché, ton âne ?» Santou n'entendait point. Toute la famille, ainsi qu'Agnès, se lamentait si fort que les rustres, d'ailleurs fatigués, interrompirent leur bourrade pour écouter ces gens du moulin qui jappaient ensemble comme des chiens à la lune. Personne n'avait aperçu Jacounel. À coup sûr, on l'avait volé, on l'avait conduit dans quelque campagne lointaine. Roquemengarde ne le verrait donc plus. Dans une maison étrangère, il ne tarderait pas à mourir. Alors Santou, ses mains sur la face, pleura, de même que si désormais il eût été seul au monde. Jérôme, honteux qu'un habitant de Pézenas eût osé attenter au bien de Roquemengarde, réfléchissait, le menton sur ses poings, lorsque son frère, qui jusque-là était resté muet, à fureter des yeux partout alentour, à faire travailler son esprit, s'ébranla subitement. Il joua des coudes pour écarter les rustres assemblés, s'avança vers Santou et lui dit « Voyons, ça ne sert à rien de pleurer. Où avais-tu attaché ton âne ?»« Là, à l'anneau qui est dans le cadre de la porte du couloir. » « En es-tu sûr ? Bien sûr ?» « Oui, pardi, à présent, ne me troublez pas. » « Que portait-il ? » « Il portait son bas. Je lui avais mis ses œillères du dimanche qui ont des pompons de laine rouge. » « Bien, impossible par conséquent de le confondre avec ses camarades. S'il est parti en promenade vers le quai de Farelle, vers le quartier du château qui est tout peuplé de mules et d'ânes, ou si quelque farceur nous l'a dérobé en moment, nous le retrouverons sans peine. » Il n'y a qu'à le faire publier en ville par Pantouquet. Pardi, ah, ce guitou, on dirait qu'il dort, qu'il ne pense à rien, puis, tout d'un coup, il découvre le moyen de sauver la situation. Et la foule, amusée, répéta autour de guitou les louanges de Jérôme. On s'ébranla tous en multitude dans un nuage de poussière. Au collège, Pantouquet, en train de balayer le devant de sa loge, s'alarma véritablement à la vue de ce monde, de ces chenapans hardis qui, déjà, se disposaient à envahir la cour d'honneur. « Ouais, s'écria-t-il, son balai en main. Croyez-vous, parce que mon principal est en vacances, que je vous laisserai pénétrer dans le collège? Je n'accepte que les guitous. » D'un geste franc, il accueillit la famille du boutiquier, puis referma la lourde porte papelonnée de ferrures. La famille Guitou, si nombreuse, les vieux, les jeunes, les fiancés, sans tout enfin, eut vite rempli la loge. Pantouquet dut se cacher au fond, derrière un rideau, afin de procéder à sa toilette d'une façon décente. Il revêtit son costume de Crimée, accrocha son tambour de chêne et de cuivre au ceinturon de grande cérémonie, et le bonnet de police sur l'oreille, les moustaches appointées, il ouvrit la marche. C'est lui maintenant que le peuple escorta. Les Guitoux, pour se dérober à la curiosité publique, s'échappèrent par des ruelles tortueuses où ne descendait jamais un rayon de soleil. Agnès, au coin d'une impasse, embrassa précipitamment son Luc et, sournoise, le cou dans les épaules, déguerpit d'une trotte chez ses patrons. La rue Saint-Jean avait appris tout à l'heure, au retour de Fabarbotte et des camarades, l'aventure de Jacounel. Sur le pas des portes, ainsi que dans toute la ville d'ailleurs, on riait, on bavardait sur le compte des Guitoux. Ceux-ci, bientôt installés dans leur boutique, buvaient de l'eau de noix en guise de rafraîchissement. « Voilà une journée perdue !» se plaignit Guitou. « Nous devrions retourner au moulin, nous autres !» proposa Claude. « Oui, » dit Perrine. « Veux-tu, mon père ?»« Bah, nous avons loué des paysans pour nous remplacer. Il faut bien qu'ils gagnent leur journée. » « Perrine a raison, » repartit doucement Guitou. « Santou restera ici. Avant la nuit, je l'espère, il vous ramènera ce bandit de Jacounel. » Jérôme, à ces mots, eut un nouvel élan de fureur. Il gronda. « Santou de malheur, tu es plus bête que ton âne. » « Eh !» larmoyait le domestique, « ce n'est pas de ma faute. »« Eh bien, » dit Claude, « nous partons seuls, nous autres. » Les jeunes époux sortirent. Au même instant, Pataloque traversait d'un pas mou la place de l'église. Ils se hâtèrent, Claude n'estimant pas du tout ce matelot d'eau douce. Pataloque sentait aussi la méfiance du Clermontais. Pour l'éviter, il ralentit son allure, feignit l'homme d'importance qui s'absorbe dans des méditations, qui parle tout seul, le long des murs, et se tâte l'estomac et les jambes. À la vérité, Pataloque était tout moulu d'avoir séjourné les plus belles heures de soleil dans une salle sans air, gorgée de foule. Il entra chez Guitou par habitude, comme par mégarde, sans même dire bonjour. « T'es Pataloque !»« Oui, c'est moi, Pécaire. Vous m'aviez oublié ?»« Tu comprends, dans tout ce tremblement de mon Jacounel ? Mais tu n'as pas l'air content. » « Pourtant, tu devrais l'être, après ton succès à l'audience. »« Allons, fit Guitou, déridons-nous, que diable !»« Tu sais, Pataloque, que nous marions Luc et que, sans doute, nous devancerons l'époque. »« Quand ? Ça dépend de mon frère. » Jérôme dressa l'oreille, tandis que Guitou continuait, en baissant la voix. « Voyons, je puis parler sans embâge devant toi, qui as également ouvert ta bourse avec une bonté fraternelle. Eh bien, j'ai besoin d'argent pour le mariage de Luc, et je n'en ai pas. J'attends que Jérôme me rembourse. » Le meunier, qui traînait dans sa poche son sac de louis d'or, plus lourd qu'un pavé, tressaillit d'inquiétude. Pataloque se tourna, au contraire, vers Guitou. D'un air triste et penaud, il lui répondit « Tu désires peut-être, mon brave, que je te prête à toi comme à Jérôme ? Si, en effet, j'ai besoin que tu me prêtes. Pécaire, il faudrait pouvoir. » Guitou éclata de rire en franc camarade que les ruses de ses proches ne trompent point. Tu trouveras bien quelque chose en fouillant ta barque. Du reste, ce n'est pas la question. Va, nous n'avons pas à nous inquiéter, mon cadet me remboursera un de ces jours. « Certainement, certainement !» s'écria Jérôme. Guitou ne voulut pas insister, bien que maugréant tout de même aux protestations d'amitié que Pataloque, soutenu en sourdine par son frère, lui prodiguait encore. Une minute, il les observa fixement, ses deux compères, dont les mains se touchaient presque sur la table. Il les toisa de haut pour leur marquer son mépris. Luc, dans la boutique, plantait des clous aux souliers d'un client pressé qui, les pieds nus, attendait devant la porte. On ne percevait que ses coups de marteau, le « han » régulier de ses efforts. Dans la cuisine sombre, il y eut un moment de tristesse et de gêne. Guitou souffrait pour la première fois d'avoir si souvent assisté son frère dans le malheur. Enfin, les deux compères partirent tout guirés, insouciants en apparence. En passant, ils tapèrent sur l'épaule du brave Luc par gentillesse. « Eh bien, voilà un fiancé qui travaille !» Luc, qui sentait bien le chagrin de son père, continua son ouvrage sans lever la tête. Au dehors, une fois un peu loin, le matelot et le meunier ricanèrent ensemble. « Hé hé !» dit le matelot, « ce n'est pas moi, c'est notre Guitou qui n'est pas content. Tu as vu, il compte sur l'argent de mon moulin. Oh, certes, je lui rendrai ce que je lui dois. Seulement, il faut d'abord que je garnisse mon armoire. Et puis, est-ce que mon aîné avait besoin de marier Luc Guitounet ? Pardi, il semble vraiment que les hommes ne puissent se passer de femmes. » Il marchait sans hâte, en gesticulant. À la placette, ils s'arrêtèrent. Durante, occupé dans l'embrasure de sa porte à tricoter un bas, les interpella. « Eh bé, et Jacounel ?»« Ma foi, je ne l'attends plus. Ce nigaud de Santou l'attendra chez mon frère. » Jérôme sauta le ruisseau à la suite de Pataloco qui tanguait de tout son corps. Là, Fabarotte, assis sur son banc, époussetait du bout d'un plumeau une petite enseigne. Il époussetait avec une lenteur méthodique, geignait chaque fois qu'en s'inclinant, son ventre ployait trop fort. « T'es Fabarotte qui travaille. On dirait que tu as peur de te faire du mal. » « Farceur de Jérôme, et toi, pourquoi te promènes-tu dans mes parages ?» Fabarotte profitait des moindres occasions de repos. Il appuya avec précaution l'enseigne contre le mur, retira son mouchoir de sa poche. Ensuite, s'étant épongé la face, ayant soufflé à plusieurs reprises, il remua sa casquette pour se donner de l'air au front. Rosette et les bras nus trempaient sa lessive dans le ruisseau. Très fière, s'imaginant que les hommes la dédaignaient, elle secoua furieusement dans le baquet ses serviettes remplies de savonnade et saisit son battoir. Et en avant de claquer, de battre la musique. Tellement que son tapage eut contrarié les roulements du tambour de Pantouquet, parcourant à cette heure les quartiers de la ville. « Eh bé, voyons !» lui cria Jérôme. « Auras-tu bientôt fini ton bacchanal ? Te crois-tu donc à la rivière ?» Par exemple, je suis chez moi, meunier. D'abord, est-ce qu'on passe sans me rien dire ? Que veux-tu que je te dise ? Je te dirai que tu as de jolis bras, si jolis, si ronds, si grassouillés, que de loin on croirait des jambes. Ah, voilà bien les hommes ! Ils ne peuvent pas rencontrer une femme sans qu'ils éprouvent le besoin de faire les beaux. T'es, adresse plutôt tes compliments à ta future nièce. Agnès apparaissait sur la porte des Garrigues. Elle portait un grand tablier blanc, aujourd'hui, comme la bonne d'un banquier. « Qu'est ? S'esclaffèrent ensemble Jérôme et Pataloco. Où tu vas, Agnès ? Tu vas à la noce ? Pas encore. Luc est-il chez lui ? Il travaille. Alors dis, toi qui es son brave oncle, tu ne pourrais pas aller l'avertir de m'attendre ce soir en allant remplir la cruche à la fontaine ? « T'es, riposta Pataloco, cette demoiselle nous prend pour des facteurs. »« Eh bé, mon patron est dans le jardin à repriser des casquettes, ma patronne sommeille dans sa chambre. Je vais moi-même avertir mon Guitounet. » Et zago zago, soulevant ses jupes, Agnès trotta le long des murs vers la boutique des Guitoux. Ce fut partout un élan d'hilarité, dans la rue et dans les magasins. Rosette, à coups de battoir, écrasait son linge, rejetait alentour des éclaboussures blanches, tandis que les deux compères s'éloignaient en riant. Le Planol, à cette heure, est un désert de poussière et de soleil. À la vue des platanes, de la plaine verte resplendissant là-bas après les jardins, Pataloco ne songea plus qu'à ses filets. Il s'agita d'une jambe alerte. « Dis-moi, Jérôme, si tu m'accompagnais à la digue de Castelnau. Tu vois bien que je t'accompagne. Ah, c'est bon. Tu verras que c'est passionnant de pêcher, que c'est doux de glisser sur l'eau comme des lézards dans l'herbe et qu'on se plaît à ne voir que le visage des branches qui brisent l'eau, à entendre filer le flot, flou, flou, comme une robe de mariée sur un tapis de velours, à entendre les chardonnerets et les roseaux qui vous chantent un refrain en passant. » « Oui, oui, je t'accompagne. Calme-toi. »« Ah, si tu voulais, nous serions amis tout de même. »« Ma foi, je ne demande pas mieux. Seulement, mes enfants ne seraient pas contents que je t'accorde un gîte au moulin. Ils me surveillent, surtout Claude. Aussi, depuis quelque temps, je suis sage comme une image. Tu les crains ? Non pas, certes, mais ça me tracasse de sentir qu'on m'épie sans cesse, qu'on gronde derrière moi. Pas moins, tu es le maître ? Oui, mais il faut tout prévoir. Suppose que le mauvais sort m'envoie de nouveau rouler dans la misère. Avec qui veux-tu que je me sauve, sinon avec mes enfants ? Et puis, je redoute un danger plus grave peut-être. Guitou, qui a de bonnes relations, pourrait faire passer mon commerce sur la tête de Claude. Tu comprends la difficulté de ma situation et... Non, je ne comprends pas. Tu possèdes des ressources, un moulin à chalander, des enfants laborieux. Eh bien, moi, si tu m'accordes une place chez toi, je te donnerai du poisson, je te paierai mon loyer. Tu augmenteras donc tes bénéfices. Ne me vaut-il pas mieux, d'abord, conquérir tout à fait l'indépendance ? Comment ? Ah, comment ? Avec de l'argent, pardi. Si tu veux, ce soir, tu m'accompagneras à Castelnau, je jouerai au café du commerce, car je sens que je suis en veine, et ensuite, avec ton barco, tu me ramèneras au moulin. Pataloc, fort embarrassé, se gratta la tête. Ça, par exemple, ça demande réflexion. Non, pas de réflexion, ou je te lâche. Oh, ne t'emporte pas si vite. Pardi, on pourra bien essayer, peut-être. Tu sais qu'on joue toute la nuit au café du commerce, à Castelnau, les riches de cette bourgade. Alors, j'y monterai de temps à autre. Si tu veux, tu me tiendras compagnie. C'est trop dangereux de marcher seul dans les chemins quand on porte sa fortune. Tu es exigeant, avoue-le. Que t'importe si je te loge dans mon moulin ? Tu ne sais pas que chaque jour, à ton réveil, tu n'auras qu'à te mettre à la croisée pour voir ta rivière ? Eh bien, il faudrait essayer. Oui, ce soir, je me sens en veine. Seulement, motus. Motus. Jérôme, en riant, touchait dans sa poche le sac de ses louis d'or, si bien enveloppé qu'aucun bruit ne pouvait les trahir. Pataloco ne riait pas trop. Toutes ses combinaisons le gênaient, lui faisaient des ténèbres dans les yeux. Est-ce que Jérôme ne le compromettrait pas dans quelque débauche ? Enfin, on essaierait de vivre en commun. En attendant, Pataloco était bien résolu à ne jamais arracher son trésor de la planche du barco où il le serrait à mesure depuis ses débuts. Ils arrivaient au gué d'un large ruisseau lorsque, de l'autre côté, un homme méconnaissable dans le lointain bleu, sur une petite route, les appela. « Ouais, ouais, dépêchez-vous !» L'homme apparut plus proche, levant les bras, à califourchon sur un âne. « Oh, Jacounel, mon Jacounel tout de même !» Jérôme, ainsi que Pataloco, parcourut le cordon de pierre qui franchit l'eau marécageuse. Jacounel, à l'odeur de son maître, s'avança, et l'homme, sur son échine très sautée, riait gaillardement. « T'es, Bacquenois !»« Oui, Bacquenois. Ah, vous comprenez ? Je ne me tourmente plus, je m'amuse comme les autres gardes. T'es, je viens de trouver Jacounel au bord du ruisseau, où quelque mauvais plaisant l'avait égaré sans doute. Maintenant, nous descendions ensemble au moulin. Seulement, Jérôme, puisque te voilà, je te rends ton bien. » Bacquenois s'apprêtait à descendre lorsque le meunier aussitôt l'interrompit. « Non, reste là-dessus. Moi, je vais aider ce brave Pataloco qui est fatigué. Après quoi, nous redescendrons dans la nuit à Roquemangarde. Même, tiens, c'est la Providence qui t'a engagé sur ma route. Voici, toi, si tu veux me plaire, ramène notre Jacounel à son domestique, tu tranquilliseras mes enfants sur mon compte et ils t'inviteront à souper. » Ce n'est pas de refus. Alors, adieu. Le garde tourna bride. Les deux camarades, d'un pas ardent, suivirent le sentier qui longe le ruisseau. L'horizon brillait encore comme un champ de blé roux. Sur la terre, la chaleur de fournaise s'était dissipée, l'ombre des peupliers s'allongeait jusqu'au cœur des vignes.